tomaram o pé. La première étape a été première attaque sur une mixtape. D'ailleurs gros faut que tu la chopes, j'ai gratté pour faire briller la suite. J'ai trouvé la clé, il me manque la serrure. J'ai pris serein malgré les tentations de coups durs. Souvent certains sans cesse ne cesse la tentation. M'assommer avec seule mission, creuser mon trou avant le décès de mon crew. Quand je prends le MIC, c'est pour libérer ton âme, te mettre en terre. Welcome on the terre, terre quatre planches. Au loin, j'ai vu la colombe blanche, elle est belle. Mon ambition est telle, la détenir avec six coups de filet. C'est pour ça que sans arrêt je cours, un jour viendra, s'inverseront les rôles. La colombe deviendra ma terre, la Colombie sous mes pieds. Le chemin s'ouvre, à l'intérieur des remplaces. En attendant, la favela, pour l'instant je reste d'honneur. Je claque dans tes dents, les étapes sont bonnes et elles m'apprennent que la vie est longue. Aujourd'hui après avoir quitté ma tribu, je suis avec ma groupe, des rêves à la tête. On y arrivera, j'en suis sûr, ainsi certain. Insoucieux de cette période de dictature imposée par le proc. 7 mois sur un pied, pour mon avenir sur les deux, pour préserver le lendemain. Je tape fort comme un chien, histoire que le tribunal sera sûr. Que les proches ne soient pas vides, si besoin, subvenir à mes proches, mon prochain. J'ai vu le haut de la falaise malgré mon vertige. Mon œil a scruté le vide et ma rage a crié vert. En option, je te propose du pion son sincère, triste et plein d'ambition. Il y a mon FNIP, je vois un pack qui m'inspire des splashs. J'ai des vrais projets, mais que dis-je, les surplus doivent les protéger. Cette musique dans la peau, jusqu'au bout des doigts. Les étapes, c'est pour ça que je me tape, je m'adapte. Vise le haut, les étapes ont votre vie, mettre un terre. Sache que moi, je suis un ciel périmère. Quand je reviens, c'est plus dur que faire. Alors, que faire si ma rage se détend? C'est qu'elle a pris un voyage pour le club bled. Avant la détente, la détention me renforce, ainsi que ma force sur ses barres. Développer, bouger, biceps, pectoraux bien travailler. Faut que je travaille ma carrure mentale. Ainsi, la finition de mes instrumentales. Pas de métal, pas de rock, tu reconnais bien là. La prestance, Felipe, hip-hop, en soirée, street sur synthé. Viens faire une virée, la tentation du vice est bien installée. Comme les groupes à 10 du soir, au fond d'une bouteille, ça cherche un peu d'espoir. Sur les lèvres, une calme pour développer notre philosophie. La chimiste, bandit, perdre l'existence n'est pas grave. À côté notre amour, la rue survivre, ouais. Dès l'âge du pouvoir d'agir, est-ce qu'on va réagir? Arrêtez de se mentir, dire que les râleurs sont médisants. Joe n'a 24 ans pourtant. Survivre, dès l'âge du pouvoir d'agir. Arrêtez de se mentir lorsque l'hémisphère sud ne fait que subir. Ici les fachos font semblant de nous sourire. À la majorité tu t'en discothèque, stromboscope, disco. Et les déchus, seul problème, ta tête ainsi que tes discours plein de tchèques. Les deux sols, donne à ma mère à mes sols. Nos vies sont sales car ces sales types nous ont salis. Malgré notre salut, reviennent ces questions. Mais qui est le pion? Regardez la vérité en face, une grosse envie de percer. Briser la glace au premier degré. Et puis, mon premier décret. Arrêtez de se mentir, dire que leurs râleurs sont méprisants. Du haut de mes 24 ans, pourtant, j'aime les gens qui souhaitent amour de part. Faites pas la guerre, mais départ tous. Apprenez le sens du mot partage. Arrêtez de vivre rangé par classe. Moi, frère, que je vois dans la rétine de mon prochain n'est que haine. Malheureusement c'est contagieux et elle investit la mienne. Mon régime jour après jour c'est la même.